veux que je te raconte une histoire, c'est pas si facile mais j'essaye. Prends ton coussin, tu peux t'asseoir et ouvrir bien grand tes oreilles. Car ce que je vais te chanter, c'est aussi chaud que le soleil. Et aussi vrai qu'au cinéma, c'est pas du rock mais c'est pareil. Alors d'abord pour commencer, laisse-moi t'expliquer deux trois choses. Si j'ai des dents, c'est pour croquer la vie que je me suis peinte en rose. Si j'ai des ongles, c'est pour gratter le gris qui a rendu morose le cœur des gens du monde entier bien avant qu'il explose. Oh oh oh oh oh oh. Et si tu veux, on fait le pari que c'est facile d'avoir les mots. Les mots qu'il faut pour ses amis, c'est pas si terrifiant un mot. Et puis je me sens tellement bien quand je vois son reflet dans l'eau. Je te jure que tu t'en fais pour rien, ils savent nager les animaux. Je sais pas si tu as aimé le swing qui swing dans ma chanson, mais si tu veux la vérité, je te la refais avec négation. Oh oh oh oh oh oh.